maillot. Mon rêve est là, je vois Rio. Depuis ma chambre où je viens d'arriver, je regarde la ville, j'ai réalisé mon rêve enfin, je vois Rio. Je n'y crois pas, mais c'est Rio. Au bout d'Ipanema que j'ai tant désiré, je regarde les vagues, je vais chavirer. Dans la nuit, je chante son absence.